الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم. أما بعد، اليوم نواصل وسنخوض الحديث 39، كي لو 39 حديث. كمي الإمام النووي رحمه الله تعالى في متن 40 النووية. Et lui, ce hadith rapporte à la grande rahma d'Allah pour ses serviteurs du fait que tout ce qui est commis par erreur ou ce qui a été fait sous la contrainte ou par oubli est pardonné. Que celui qui accomplit un acte par oubli ou délaisse un acte par oubli ou se trompe involontairement ou il est forcé de faire une chose malgré lui, Inch'Allah, tout cela lui est pardonné, il ne commet pas de péché. Non. قال الإمام ابن ماجة رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن مصفى الحمصي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. Donc il dit selon ابن عباس رضي الله عنه que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que certes Allah a déjà pardonné à ma communauté pour moi les fautes involontaires, l'oubli et ce à quoi ils ont été contraints, forcés de faire. Al-istikara, ça va venir inshallah. Car fi fark bayn al-istikara wa al-ittirar, ça va venir inshallah. Qala ash-shir hafizallahu ta'ala, lafz ibn Maja, inna Allah wada an ummati al-khata. وهذا منكر جدا وهو باللفظ إن الله تجاوز لي إلى آخره كما في الجامع العلوم والحكام لابن رجب رحمه الله تعالى ولكن الحكم ثابت من حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل في قوله تعالى طيب. Donc il dit que par contre l'énoncé qui est venu, le terme qui est venu dans le hadith rapporté par Al-Majah, c'est إن الله وضع عن أمتي الخطأ, c'est-à-dire que Allah, comme on dirait cela, وضع. Et aucun jugement ne s'applique sur l'erreur de ma communauté. Que leurs erreurs sont délaissées. C'est-à-dire que leurs erreurs sont délaissées. Et que ce love, lui, est très mauvais. Et que le vrai love, c'est celui qui est venu là dans le hadith. Inna Allah tajawaza li an ummati. Tajawaza, c'est-à-dire qu'il a pardonné. Dans le sens. D'accord ? Qu'il a pardonné. Qui ne tient pas compte de l'erreur en soi, mais pas du jugement qui s'y rapporte, comme cela va venir. Comme l'a rapporté Ibn Rajab dans Jami' al-Ulum wal-Hikam. Cependant, le hadith, lui, le hukm, plutôt on va dire, le jugement qui s'y rapporte, lui, est affirmé et est confirmé par le hadith rapporté par Abu Huraira, sur le même muslim, que nous avons déjà cité auparavant dans un autre ders, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala fit descendre le verset Lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard. Que lorsqu'Allah fit descendre le verset, que Allah appartient à ce qui est dans le ciel, dans la terre, et que si jamais vous laissez apparaître ce qui est en vous ou que vous le cachiez, Allah vous en tiendra compte. Hein? Allah vous en tiendra compte. Alors que les Sahaba, cela fut dur pour eux à assumer cette chose. Donc ils se rendirent auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire qu'il nous a été imposé des œuvres que nous supportons, comme le siyam, comme la sadaqa, comme le jihad, ainsi de suite. Et maintenant vient de descendre ce verset, et celui-là, nous n'arrivons pas à l'assumer. Du fait que même ce qui est en nous, nous en tiendrons compte. Nous allons en rendre des comptes. Alors le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, leur a dit quoi ? Aturidun an takulu kama qala ahlul kitabain min qablikum, sami'na wa asayna, bel kulu sami'na wa ata'na. Donc il dit, voulez-vous dire comme ont dit les gens des deux livres d'avant vous ? Hein, nous avons entendu et nous avons désobéi, mais plutôt dites, nous avons entendu et nous avons obéi. Donc de là, Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre la suite du verset qui vient pour abroger celui-ci en disant Amana Rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Kulun amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli, la nufarriku bin ahadin min rusuli. Wa qalu sami'na wa ata'na ufranaka rabbana wa lika al-masir. La yukallifu law nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana ila akhir al-aya. Lorsqu'il dit que le messager a cru en ce qui lui était descendu de la part de son Seigneur, ainsi que les croyants. Tous ont cru en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, hein, et nous divisons entre aucun de ces messagers. Et ils dirent, nous avons entendu et obéi. Hein, accorde-nous ton pardon au Seigneur, et c'est vers toi qu'est le retour. Allah n'impose pas à une âme ce qu'elle ne peut supporter. Elle aura ce qu'elle aura accompli. Elle sera rétribuée en fonction de ce qu'elle a accompli. Ô Seigneur, ne nous prends pas pour ce que nous avons oublié ou ce pourquoi nous sommes trompés. Non, le verset. Voyez. Et ce verset, ce hadith, cette histoire entière, elle vient pour affirmer le hadith, l'a rapporté par Ibn Abbas, selon Ibn Majah. Également, le shir cite ce hadith de cet homme qui a dit, hein, qui a été dans une terre perdue, une contrée perdue, et que sa monture l'abandonna alors qu'il contenait son ravitaillement, son eau et sa nourriture. Il se retrouva seul, perdu, alors se mit dans l'ombre d'un arbre à attendre la mort, ayant désespéré de pouvoir retrouver sa monture. Et lorsque celle-ci lui revint, il la voit, il la vit, de la grande joie qu'il éprouva, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, akhtara min shiddatil farah. Qu'il dit, Oh Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. Hein, qu'il se trompa en prononçant cette parole-là à cause de la forte joie qu'il a ressentie. Et c'est pareil dans la colère qui amène à perdre la raison, à devenir complètement aliéné. La personne ne se rend pas compte de ce qui se passe, de ce qu'elle dit, c'est pareil. Ce qu'elle dit peut ne pas être pris en compte. Non. Donc cela est pardonné. D'accord? Cela est pardonné. فقال ثم قال ومسألة الخطأ والنسيان في هذا الحديث تبتني علي أحكام معروفة. Donc ce hadith, du fait que l'oubli ou l'erreur involontaire sont pardonnés, cela se base dessus beaucoup de rites, beaucoup de règles connues. الخطأ فيما إذا قتل إنسانا يريد قتل الكافر فوضع في إنسان خطأ فإنه غير آثم على قتله الخطأ. وتلك الكفارة التي مترتبة على قتل الخطأ للتأديب وإلا فالخطأ معفو عنه. Donc il dit comme par exemple une personne en jihad, hein, pendant le jihad, qui voudrait tuer un ennemi, un kafir, et que par erreur il tuerait un musulman, par erreur, sans s'en rendre compte. Alors cela lui est pardonné. D'accord? Il ne sera pas, il n'aura pas commis de péché. Cette bavure lui sera pardonnée. Cependant, il aura toujours l'expiation, la compensation. Restera, elle, effective. Pourquoi? Par discipline. C'est-à-dire, demain, tu tues un musulman involontairement, tu n'auras pas commis le péché. Cependant, comme cela va venir, tu auras quand même l'expiation, le prix du sang à payer, ou ainsi de suite. Pourquoi? Pour fermer les portes, justement, à ceux qui pourraient tuer quelqu'un volontairement, et dire, je n'ai pas fait exprès. Bon, pour couper court, hein, couper court à ce genre d'action, à ce genre de quiproquo, même celui qui tue par erreur, qui commet une erreur, le jugement qui s'y rapporte par rapport aux droits des gens, hein, reste effectif. Mais lui n'a pas de péché. Comme par exemple, ici, par la suite, un père qui prendrait sa voiture et involontairement viendrait à écraser son fils. Il viendrait à écraser son fils avec sa voiture, involontairement. Il n'aura pas commis de péché. Mais cependant, il aura la kafara sur lui, toujours. Elle restera effective. Non. قال وشبه العمد ملحق بالخطأ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. Donc il dit, et ce qui ressemble à un acte délibéré, lui sera classé avec l'erreur involontaire. D'accord? Il sera compté comme une erreur involontaire. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déjà rapporté d'Allah subhanahu wa ta'ala dans un hadith Qudsi, nous l'avons pris auparavant, lorsqu'il dit que, ô mes serviteurs, certes, vous commettez des fautes de jour et de nuit, alors que moi je pardonne tous les péchés. Alors demandez-moi pardon et je vous pardonnerai. Wala nafkur hadith kull ibn Adam khatta wa khairul khatti'in al-tawwabun lidha'fihi wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-karim allazina yajtanibuna al-kaba'ir al-ithm wal-fawahish ila al-lamam. Inna rabbaka wasi'un maghfirah. Wal lamam hiya al khataya al saghir. وقد قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فصاحب الخطايا الصغائر مجتنب كبائر فهو الذي لا يرتكب الكبيرة ولا يسير على الصغيرة. Donc il dit que nous n'avons pas cité le hadith que les fils d'Adam commettent tous des fautes, des péchés. Et les meilleurs d'entre eux sont ceux qui font tawbah. Parce que ce hadith est faible. Ce hadith est faible, donc n'a pas été pris en compte dans ce chapitre. Je crois que nous en avons déjà parlé aussi également dans un autre cours, que ce hadith est faible. Bien que le sens reste authentique. Le sens reste authentique. Et on se passe de ce hadith par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala où il dit, dans le sens où il dit que ceux qui évitent les grands péchés et les désobéissances et les turpitudes, hein, mais qui ne commettent que des fautes légères, alors Allah a certes un pardon large. Et il dit également dans le sens, et si vous évitez les grands péchés dont, qui vous sont proscrits, alors nous vous pardonnerons vos fautes et nous vous ferons entrer d'une entrée anoblie, c'est-à-dire au paradis. Donc celui qui est concerné par ce verset, c'est celui qui commet des petites fautes malgré lui et qui évite les grands. Alors qui se soucie d'éviter les grands péchés et qui ne perdure pas également sur les petits péchés. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam laula tuznibu la dhahaba Allahu bikum wa la jaa bikum yuznibuna fayastaghfiluna fayaghfir lahum. Donc il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que si jamais vous ne commettiez pas de péché, que Allah vous ferait partir pour venir avec un peuple qui eux ferait des péchés et qui demanderait pardon afin qu'il leur pardonne. Aznaba abdi zanban fa qala ya rab ighfir li qala alima abdi anna law rabban ya'khudhu dhanb fa yaghfir lahum. Donc il dit également dans le hadith Qudsi que mon serviteur a commis un péché et qu'il dit oh Seigneur pardonne-moi. Alors il dit que mon serviteur a certes su qu'il est un seigneur qui pardonne les péchés. Alors il lui pardonnera l'âme. Jusqu'à la fin du hadith. Et ce hadith-là, lui, n'est pas là pour inciter à commettre des péchés ou des petits péchés. Non, il est juste là pour démontrer la grande miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne pas prendre ce hadith pour dire c'est bon, je peux faire des péchés, Allah il me pardonnera tant que je le sais. Non, ce hadith est là pourquoi? Pour celui qui aurait fait des fautes, malgré lui, qui aurait oublié ou quoi, et que pour ne pas désespérer de la rahma d'Allah, qui se rappelle de ce hadith, de cette parole, afin de demander pardon, de faire une tawbah, une vraie tawbah. Donc attention à ceux qui prennent ce genre de parole pour faire ce qu'ils veulent et pour dire Allah, Inna Allah ghafur rahim. Ça, c'est parmi les irja. De prendre que l'épreuve de la miséricorde et de laisser celle du châtiment et de la colère d'Allah. Wa qala ta'ala, wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dans le sens où il dit, et repentez-vous Allah tous, ô vous les croyants, afin que vous réussissiez. Donc regardez, pour la réussite, la tawbah est une condition de la réussite. وَمَا يَتَعَلَّقُ بِقَتْلِ الْخَطَى فِي ذِكْرِ اللَّهِ كَفَّارَةٌ طيب. وَمَا يَتَعَلَّقُ بِقَتْلِ الْخَطَى قَدْ ذَكَرَ اللَّهُ كَفَّارَةَ ذَلِكَ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ. قال تعالى وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَى خَطَأٍ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ لَا يَصَدَّقُ. Donc il dit que Allah a déjà parlé de ce qui concerne la bavure, le fait de tuer un croyant par erreur. Dans Surat An-Nisa, où il dit dans le sens qu'il ne revient pas à un mu'min, un croyant, de tuer un autre croyant si ce n'est par erreur. Et que celui qui tue un croyant par erreur, alors son expiation sera l'affranchissement d'un esclave croyant ou le prix du sang qu'il donnera à la famille du tué, hormis si ils y renoncent par charité. C'est-à-dire que la famille du tué délaisse le prix du sang et lui délaisse par charité, qu'il lui pardonne. وَذَكَرَ فِي الْآيَةِ الصِّيَامِ وَلَمْ يَذْكُرْ الْإِطْعَامِ فِي هَذِي الْآيَةِ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ وَاشْتَرَطَ الْإِيمَانِ فِي رُكْبَةِ الْمَعْتُوكَةِ وَرَأَيْنَا طَيِّبْ. Donc il dit donc dans son verset également, il a aussi cité le jeûne, qu'il jeûne 2 mois d'affilée. Mais il n'a pas cité le fait de nourrir des pauvres dans ce verset, lorsque tu tues un croyant par erreur. Cependant, parmi les conditions également de l'affranchissement de l'esclave, c'est que celui soit un croyant. Cet esclave soit un mu'min, un croyant. Et il dit que certains savants voient que, par analogie, par qiyas, que le fait de jeûner, le fait de nourrir des pauvres, pour celui qui ne peut ni payer le prix du sang ni jeûner, alors qu'ils nourrissent des pauvres. Ils ont fait cette déduction par qiyas, par analogie. Hein, mais cependant, il n'y a pas de preuve sur cela. Et ils citent que Shir Mukbil, rahimahullah ta'ala, voyait que cet avis n'était pas correct. On s'en tient aux preuves citées dans le Coran. C'est-à-dire, l'affranchissement d'un esclave et le prix du sang et le jeûne de 2 mois d'affilée. Ce sont des choses qui ont été exposées dans le Coran. Même le fait de nourrir des pauvres pour expier une bavure, le fait d'avoir tué un croyant involontairement, cela n'a aucune preuve à l'appui et ce qiyas n'est pas à prendre en compte. Il dit, قوله والنسيان dans sa parole du hadith et l'oubli. رب إنسان ينسى الوضوء ويصلي بغير وضوء أو نسي المس على الخفين أو على الجوربين بعد نهاية زمانها ويصلي بغير وضوء فمثل هذا العلماء على أنه يعيد الوضوء والصلاة ولو خرج وقت الصلاة لأن نسيان الوضوء من جنس نسيان الصلاة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاته أو ساها عنها فوقتها حين يذكرها سواء ساها عن وضوئها أو ساها عنها تركها نسيانا فهو وما هو آثم. Donc il dit dans la parole par rapport à l'oubli qu'il se peut qu'une personne oublie de faire le dos et qu'il fasse sa salade sans le dos. Ou qu'il oublie d'essuyer sur ses roufs ou ses chaussettes, par exemple, pour faire le dos. Ou alors qu'il le fasse après la sortie du temps, c'est-à-dire après les 24 heures. Qu'il oublie le temps, la première fois qu'il l'a fait, il l'a oublié. Et de là, il le fasse alors que le temps est déjà terminé. Il le fasse par oubli. Alors, dans cela, les savants disent qu'il doit refaire sa salate. C'est-à-dire qu'il refait le dos, puis la salate, même si le temps est déjà terminé. C'est-à-dire que, par exemple, il a fait la asar, et qu'il ne s'est rendu compte de cela qu'au Maghreb. Et bien, malgré cela, il fait la asar. Il rattrape la salate. Car le fait d'oublier le wudu est comparable à l'oubli de la salate. Et le prophète Mohammed a dit que celui qui dort du temps de la salate ou qu'il en est distrait, qu'il a oublié, alors son temps est au moment où il s'en rappelle, ou lorsqu'il se réveille. Et celui qui a fait cela n'a pas commis de péché. Cela est malgré lui et rentre dans ce hadith. D'accord? Ce hadith s'applique sur lui. Cependant, il doit rattraper ce qui lui a échappé. Amma qulullahi azza wa jal, fawailun lil musallin. الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون هذا في حق المهملين أما واحد يسهو بغير قصد فإن شاء الله داخل تحت قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. Il dit, quant à la parole d'Allah, quand ce qu'il dit, malheur à ceux qui font la salat alors qu'ils sont distraits, ceux qui sont pleins d'ostentation et qui refuse l'ustensile à celui qui en a besoin. Cela, ce verset s'applique sur qui? Sur ceux qui sont vraiment négligents, qui font preuve d'une grande négligence. Quand une personne qui fait preuve de distraction involontairement, Inch'Allah, ce hadith s'applique sur lui, qu'il est pardonné. Cependant, sa salat sera à refaire. Ou qu'il fasse le sujet de sahou. Ça dépend de la gravité de l'oubli. Non. Également, le verset s'applique sur lui. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Au Seigneur, ne nous prends pas si nous avons oublié ou si nous avons fauté involontairement. Wa baqi aidan an nisyan fi al-kalam. Idha takallama fi salati nisyanan, tarud alayhi fi al-aya fa yaqul laka na'am na'am. Fa qad hasala hadha wa aw yatakallam wa huwa laysa bi muntabih. Salatuhu sahiha ala as-sahih. Fa in hadha kalamu ghayr 'amd. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لست أخشى عليكم الخطأ وإنما أخشى عليكم العمد. Donc il dit également le fait de parler dans la salat, celui qui serait amené à parler en pleine salat, par oubli, sans s'en rendre compte, de façon inattentive. Par exemple, il se trompe sur un verset et toi tu le corriges. Et lui te dirait par exemple, naam, naam, oui, oui. Hein? Il ne s'en rend pas compte. Il te répond comme si de rien n'était, sans s'en rendre compte. Et que cela s'est déjà produit. Qu'il parle sans faire attention. Sa salat, Inch'Allah, est valide, car il n'a pas fait exprès. Et c'est un kalam qui est léger, qui est khafif. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Certes, je ne crains pas pour vous les erreurs involontaires, mais je crains pour vous ce qui est délibéré. C'est-à-dire le fait de commettre des fautes délibérément. Wa nasi fi siyami, sa'im wa yashrab aw ya'kul, wa wa nasin. Wa qad qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, manasiya fa akala wa shariba wa sa'imun falyutim sawmah fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Donc il dit par exemple celui qui serait amené à boire ou à manger alors qu'il jeûne, hein, et qu'il mange et qu'il boit par inattention, sans s'en rendre compte, alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déjà dit que celui qui est oublié et qui se met à manger et à boire alors qu'il est jeûneur, alors qu'il continue son jeûne, car c'est juste Allah qui l'aura nourri et qui l'aura abreuvé. Donc, alhamdoulilah, faqan rahmat Allah, du fait que par exemple, il se peut qu'un jour tu jeûnes, tu l'oublies à une certaine heure et tu te mettes à boire ou à manger. Et après, tu te rends compte que tu jeûnais en fait. Et bien à ce moment-là, tu poursuis ton jeûne, inshallah, il est valide. Par preuve de ce hadith. Anisyanu fil jima' wa wasa'im min alil ilm yaqul misla hadha ma yunsa. Ma yunsa l'insanu fihi. Kefa yunsa wa wa jami'a. نقول المسألة داخلة تحت الدليل إذا كان ناسيا فإنه ناس وليس صومه بفاسد ولا عليه كفارة قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. Donc là il parle maintenant de celui qui aurait des rapports sexuels, hein, alors qu'il jeûne et qu'il oublie, il ne s'en rend pas compte. Les gens de science, lui, eux disent, comment peux-tu l'oublier? C'est une chose qui ne s'oublie pas, le fait d'avoir des rapports alors que tu jeûnes. Et le shir dit, cela est faisable, cela peut se produire, et que même ce sujet, Inch'Allah, lui, ça peut exclure ce hadith. Celui qui aurait des rapports avec sa femme alors qu'il jeûne, à un moment de distraction pareil, il jeûne, il a oublié qu'il jeûne. Si ça peut arriver pour la nourriture, ça peut arriver aussi pour autre chose. Hein? La personne, l'être humain n'est pas infaillible, il peut oublier qu'il jeûne, et il a une envie d'avoir des rapports avec sa famille, et là, il oublie qu'il jeûne. Donc là, il commet des rapports avec elle. Donc le shir dit que ce sujet également se rapporte à ce hadith, et que cela lui est pardonné. Que cela lui est pardonné. Et qu'il poursuit son jeûne. Et que, pareillement pour le fait de retarder la zakat, d'avoir oublié, beaucoup de choses qui se rapportent à l'oubli s'appliquent dans le jugement de ce hadith. Naam. Qawluhu wa mastukrihu alayhi. Et sa parole, ceux qui leur ont été forcés. C'est-à-dire qu'ils font une action qu'il aurait été forcé de faire. Qala ta'ala, il est man ukriha wa kalbuhu mutma'innun bil iman. Fa dallat il ayah ala anna man ukriha wa kalbuhu mutma'innun bil iman, anna u laysa ali ithmun fi dhalika. Donc il dit dans le verset que ceux qui ont mécru après avoir connu la foi, hormis celui qui aurait été forcé alors que son cœur est empli de la foi. C'est-à-dire qu'on te force à commettre un acte de mécréance, par exemple, malgré toi, mais que tu restes toujours croyant, que cela t'est pardonné. Comme le prouve ce verset. Qu'il n'y a pas de péché sur toi. Hatta walaw ukriha ala shay'in fi haqqillahi subhanahu wa ta'ala min sabbillah aw ta'an fi dhatillah azza wa jal ikrahan mulji'a fa innahu laysa alayhi ithmun fi dhalika. Idha ukriha ala shay'in bayna wa bayna Allah ونقلوا الإجماع على أنه إن أكره على شيء بينه وبين إنسان طيب. Donc il dit, par exemple, même qu'on te contraigne ou qu'on te force réellement, que tu sois menacé d'une chose concrète, une menace concrète qui t'amène à insulter Allah ou à parler mal sur Allah subhanahu wa ta'ala, malgré toi, cela t'est pardonné, comme prouve ce verset. طيب ثم قال ونقل الإجماع على أنه إن أكره على شيء بينه وبين إنسان مثل قتل معصوم الدم أنه لا يجوز له أن يقتل معصوم الدم ولا كذلك يجوز له أن يزني ومسألة الإكراه بحيث أنه يخاف على نفسه القتل سيقتل وهو أشد من الاضطرار. طيب donc il dit également, par contre, il y a eu unanimité du fait que si jamais on te force, tu es dans un ikrah de tuer quelqu'un dont le sang est interdit, ou même de forniquer, par contre, tu n'as pas à le faire. Même sous la contrainte, sous la menace, qui va vraiment se réaliser, on te dit, par exemple, tue un tel, ou je te tue toi. Tu n'as pas le droit de le tuer. On te dit, tue un tel, ou on te dit, fais zina avec Fulana, ou alors je te tue. Tu n'as pas le droit de le faire. Tu n'as pas le droit de le faire, et là, par contre, l'ikrar n'entre pas là-dedans. Et Inch'Allah, alhamdoulilah, on a déjà évoqué ce sujet dans les doulous de Namorquet de l'Islam, pour celui qui voudrait plus de détails. Et d'ailleurs, on se demande même comment quelqu'un pourrait forniquer qu'une femme sous la menace de la mort. Physiquement, cela n'est pas réalisable. Cela n'est pas réalisable. Mais c'est un exemple que les ulama ils donnent. Que ce qui touche aux droits des autres, ce qui est interdit quand même une sentence, que tu n'as pas le droit de l'enfreindre, même sous al-ikrah, le fait que tu sois forcé. C'est-à-dire là, le krah, c'est le fait qu'il craigne pour lui de se faire tuer. Et cela va vraiment se réaliser, c'est-à-dire vraiment laisser une menace réelle. Pas une paranoïa ou, comment dire, de la lâcheté ou ainsi de suite. Vraiment, il est menacé. Que al-ikrah wa ashad min al-ittirar. Yani, comment on pourrait traduire ittirar, souvent, c'est la contrainte. Ittirar, c'est la contrainte. Et l'ikrah, c'est le fait d'être forcé à faire quelque chose malgré toi. Donc, il y a une différence. L'ikrah, lui, il est bien plus fort que l'ittirar. Hein, l'ikrah est plus fort que l'ittirar. Il dit ensuite, « وفي مسألة الإكراه تفسير أوسع من هذا من حيث أنه إن أكره على شرب الخمر أو أكره على أكل اللحم لحم الخنزير أو أكره على أكل الميتة. » Par exemple, que dans l'ikrah, cela peut l'amener aussi à boire de l'alcool ou à manger de la viande de porc ou à manger de la chair morte, ainsi de suite. Par exemple, quelqu'un qui va mourir de faim et qui n'a que cela sous la main, cela lui est permis. Ça rentre dans Ad-Darura. Amma binisbati l'akl al-maitati wa lahm al-khinzir famisla hadha fima yata'alluq bainahu wa bain Allah ma'fu anhu. Donc cela lui est pardonné entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Tant que cela le concerne son droit à lui, pas celui des gens. Wa sharb al-khamri yukhsha minhu ala awaqib annahu rubbama yashrab al-kham fa yaqtul ma'sum ad-dam. Fa in amana min dhalika annahu ma lan yaqtula falahu an yashrab al-kham. Par contre, quand on fait de boire de l'alcool, qu'on le force à boire de l'alcool, il se peut que cela amène à des conséquences plus dangereuses. Du fait que s'il boit de l'alcool et qu'il en devient ivre, cela pourrait l'amener justement à tuer une personne dont le sang est interdit. L'alcool, lui, a des mauvaises conséquences, car il te fait perdre la raison. Cependant, s'il boit de l'alcool et qu'il est sûr, chose qui n'est pas garantie, mais qu'il ne sera pas amené à tuer quelqu'un d'autre, alors, dans l'ikrah, il peut boire de l'alcool. Mais s'il craint que cela dégénère par la suite, alors même dans le cas de l'ikrah, qu'il ne boive pas de l'alcool. Il était raconté une histoire, je crois que c'est dans Talbis Iblis, qu'un moine, des gens d'avant, des El-Kitab, je ne connais pas l'authenticité de cette histoire, son degré d'authenticité, cependant elle est beaucoup rapportée en guise d'exemple pour dire qu'il a été un homme, lui a été forcé. On lui a dit, soit tu forniques avec une femme, soit tu tues un enfant, ou soit tu bois de l'alcool. La personne a choisi quoi? Ce qui lui paraissait le moins grave, c'est de boire de l'alcool. Donc il a bu de l'alcool. Après avoir bu, il en est devenu ivre. Et cela a mal tourné au point qu'il est parti, par la suite, sous l'effet de l'ivresse, il a forniqué avec la femme, et il a fini par tuer l'enfant. Il a commis les trois péchés. Du simple fait qu'il ait bu de l'alcool. Et l'alcool, cela est connu, cela fait perdre la raison et amène à des choses vraiment extrêmement graves. Extrêmement graves. Voilà le musta'an. Donc ensuite, le shir dit « Hasiluhu anna l'ikrah yankasimu ila muljin wa ghayri muljin » Que l'ikrah, lui, se divise en deux catégories. Celui qui est réel et celui qui ne l'est pas. C'est-à-dire un vrai ikrah. Tu es vraiment menacé de quelque chose et un autre qui ne l'est pas. Par exemple, quelqu'un vraiment, titre d'exemple, un homme de pouvoir te menace de te tuer et tu sais qu'il est capable de le faire et qu'il l'a déjà fait avec des gens avant toi. Hein? Un homme d'autorité, un criminel te menace d'une chose qu'il te tuera s'il ne fait pas telle ou telle chose et tu sais qu'il peut le faire, qu'il l'a déjà fait et qu'il va le faire. Là, c'est un ikrah. Et d'autres, des gens te menacent, mais ils ne font rien. Tu peux te défendre ou leurs menaces sont vaines. C'est juste du bluff. Là, ça ne rentre pas dedans. Ou alors que quelqu'un, par exemple, c'est vraiment un lâche. Dès qu'on le menace, il a peur. Il ne sait même pas si la personne est en mesure d'appliquer sur lui ou pas ce qu'il dit, sa menace. Et malgré cela, lui, il agit. Il dit, on m'a menacé. Mais qui t'a menacé? Et es-tu en mesure de te défendre ou pas? Sinon, cette menace-là, Inch'Allah, ne s'applique pas sur toi. Et que là, ce n'est pas un ikrah pour toi. Ce n'est pas un ikrah. Non. Ensuite, le shir cite, par contre, là, un problème qui se pose chez certaines personnes, c'est le hadith, rapporté par Salman, de la mouche. Le kitab Touhid, vous le connaissez. Lorsque deux hommes vinrent à passer par un lieu où se trouvaient des gens qui disaient que personne ne passe si ce n'est en faisant sacrifice pour leur divinité. Hein? Donc il dira au premier, Karrib, c'est-à-dire fais un acte, fais une offrande. Donc le premier dit quoi? Ma kuntu li karriba li ahadin shay'an dun Allah, fa darabu 'unaka, fa dakhala al-jannah. Que le premier refusa, il dit, je ne sacrifierai rien pour autre que Allah. Donc qu'est-ce qu'ils firent? Ils le tuèrent. Et cet homme rentre au paradis. Le deuxième, il lui dit, Karrib. Hein? Fais une offrande, fais un sacrifice. Il dit, ma indi ma ukarribu bihi. Il dit, je n'ai rien à sacrifier. Qalu, karrib wala zubaban. Ils ont dit, fais un sacrifice, ne serait-ce même qu'une mouche. Fa karraba zubaban, fa khalu sabila, fa dakhala an-nar. Donc il finit par tuer une mouche en guise d'offrande, et il le laissa passer, et entra au feu pour cet acte. Donc, comment lier entre ce hadith qui montre que cette personne-là était son anikrah, et malgré cela, il rentre au feu. Déjà, en premier lieu, ce hadith, lui, est mawquf à Salman. C'est un hadith qui ne vient pas du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Il s'arrête à Salman. Deuxièmement, déjà, des savants ont dit quoi? Qu'il s'agit d'un hadith, peut-être dont le hukm est mansour. C'était dont le jugement est abrogé, qui se rapportait aux communautés d'avant nous. Et troisième parole, que des savants ont dit, qu'il se peut que cet homme-là, lorsqu'il a vraiment fait ce takrib, qu'il a tué cette mouche, il a vraiment mis une niya de ibada, qu'il a vraiment égorgé, ou plutôt qu'il a tué cette mouche pour autre qu'Allah. Que sa niya était vraiment pour autre qu'Allah. Donc de là, cela lui a coûté qu'il se retrouve au feu. Car cela est du shirk, shirk akbar. Hein? Le zeb' le relillah, c'est du shirk akbar. Naam. Et il finit en disant, وَمَنْ وَقَعَ فِي مَعْذُورٍ مِنْ مَعْذُورَةِ الْإِحْرَامِ وَلَوْ جَمَعَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. Donc de là, s'achève l'expression du hadith. J'ai raccourci ce que le shir a cité d'autres masaïl par rapport au hajj, ainsi de suite. Mais tout cela tourne autour du même pot que ce hadith nous démontre que les fautes involontaires sont pardonnées. Les actes oubliés sont pardonnés. Et les actes fait contraint d'être appliqué sous la menace réelle, sont pardonnés. D'accord? Ils sont pardonnés. Cependant, le jugement, se rapportant aux droits des autres, reste effectif. Comme le fait de tuer une personne par erreur, hein, il y aura toujours le prix du sang à donner. On parle d'une personne dont le sang est illicite, comme le fait de tuer un musulman. Mathalan, cela, la personne n'aura pas commis de péché, mais le jugement, l'expiation reste effective. Le prix du sang à donner ou ce qui s'y rapporte pour effacer la faute. Et ainsi de suite. Ou celui qui aura oublié une salade ou ainsi de suite, qu'il rattrape. Il n'a pas commis de péché, mais il rattrape. Naam. Et dans l'ikrah, le fait d'être forcé à faire une chose, cela ne se rapporte que dans les droits de la personne. Mais dans les droits des gens, il ne lui a pas permis d'agir. Même sous la menace. Tu ne tues personne sous la menace. Tu ne forniques avec aucune femme sous la menace, et ainsi de suite. Naam. فبهذا القدر نكتفي ونقول سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.